En France, les fouilles s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Après celle d'un site néolithique à Béziers, un village déserté du Haut Moyen-Âge à Villars-Rodin-Bourget, de riches tombes sous tumulus de la fin de l'âge du bronze à Aubagne, sans oublier le beau triton du mausolée antique de Néris-les-Bains et les sarcophages de Notre-Dame de Paris, place ce soir à Saint-Just-et-Chaussée et son exceptionnel sanctuaire gaulois. Ici, point de bas-relief figurant des tritons, encore moins de sculptures de Vénus ou de Jupiter, comme dans le sanctuaire voisin de Pont-Saint-Maxence, car, disons-le, les dieux gaulois dédaignent à se représenter. En revanche, quantité d'armes et nombre de sacrifices aux divinités chthoniennes, celles des profondeurs, des entrailles de la terre. Pour évoquer cette fouille, ses découvertes, les dieux et les rituels qui leur sont associés, François Malrin, bonsoir. Bonsoir. Proto-historien, spécialiste des habitats ruraux gaulois du nord de la France, archéologue à l'INRAP et membre de l'UMR 8215 du CNRS, j'ai souvenir de votre grande exposition gauloise à la Cité des sciences et de l'industrie. François Malrin, entre Beauvais et Compiègne, où les Gaulois ont-ils décidé d'honorer leurs dieux ? Alors, entre ces deux villes des Hauts-de-France, du département de l'Oise, il y a plusieurs emplacements où les Gaulois ont décidé d'honorer leurs dieux. Il y a, entre autres, le très célèbre sanctuaire de Grenet-sur-Aronde, mais également celui d'Estrées-Saint-Denis, et enfin celui qu'on va évoquer aujourd'hui, celui de Saint-Just-en-Chaussée. Celui de Saint-Just-en-Chaussée est édifié sur un point haut du paysage, sur une hauteur remarquable, sur un plateau et ses versants. Et de cette manière, il devait être visible de loin. On sait aussi qu'il est installé dans un paysage déjà très largement ouvert, comme nous le révèlent les analyses de Charbonnebois, entre autres avec la présence d'aulnes et de noisetiers, qui révèlent à la fois la présence de l'eau et un paysage très ouvert. Il est également installé près d'une petite rivière qui s'appelle l'Arrée, qui coulait au bas de ce sanctuaire. C'est en général des positions toujours assez spectaculaires. C'est aussi quelquefois à la frontière de plusieurs tribus gauloises que s'implante ce genre de sanctuaire. Alors, très souvent, effectivement, ils sont installés sur des points remarquables du paysage. Dans le cas de celui de Saint-Just-en-Chaussée, on est dans la tribu des Bélovaques, effectivement, non loin de leur frontière avec les Ambiens. Les Bélovaques, c'est un peuple redoutable. Oui, qui a longtemps manifesté son mécontentement lors de la guerre des Gaules. À plusieurs épisodes de la guerre des Gaules, on retrouve les révoltes des Bélovaques. Longtemps, les sanctuaires gaulois sont restés invisibles aux archéologues et n'ont été découverts que voici, on va dire, une trentaine d'années. Alors un tout petit peu plus avec les fouilles de Gournay-sur-Aronde qui datent du début des années 80. Avant la découverte de son sanctuaire, on pensait que les Gaulois exerçaient leur culte dans le milieu naturel, près des sources et des rivières par exemple, ou des points remarquables du paysage, des rochers par exemple. Et la fouille de Gournay-sur-Aronde donnera une image totalement inverse à ce qu'on pensait jusqu'alors, avec des vrais espaces dédiés aux lieux de culte et à la pratique des religions gauloises. Alors on en connaît maintenant d'autres, on connaît par exemple aussi Ribemont-sur-Ancre, Assy-Romance aussi, bien plus loin. Alors Assy-Romance est situé dans les Ardennes, il s'agit plutôt d'un village dans lequel on trouve également trois temples qui sont édifiés également sur un point haut du paysage. On en connaît dans le sud, au Kélard par exemple, en Auvergne avec le site de Coran, non, à Ribemont-sur-Ancre dans la Somme. Maintenant, les sanctuaires se révèlent un peu partout. Trouve un et on en trouve partout, c'est à peu près ça. Alors, on en trouve partout, mais avec une très grande difficulté, c'est que ce sont des espaces extrêmement grands et difficiles à fouiller. Et donc, généralement, on en fouille qu'une toute petite partie qui nous donne accès qu'à une partie de la documentation. Comme vous le savez, je m'intéresse plutôt aux fermes. Et pour les fermes gauloises, on a maintenant plus de 1000 sites fouillés, ce qui nous permet d'avoir des statistiques et d'appuyer nos hypothèses sur des statistiques et donc des résultats qui peuvent être contrôlés. Pour les sanctuaires, en revanche, il n'y a pas encore de données suffisantes pour pouvoir synthétiser de manière le plus juste possible les différences entre les religions gauloises. D'ailleurs, votre sanctuaire, vous l'avez fouillé entièrement ? Non, c'est un sanctuaire qui a été fouillé dès les années 94. Sur une petite surface, à la suite de travaux qui en ont détruit une partie. Nous-mêmes, on est intervenu sur 2,3 hectares, ce qui porte environ à 3 hectares la surface de ce sanctuaire. Mais on n'a qu'une toute petite partie de ce sanctuaire, puisqu'on n'explorait que les versants de ce plateau et non pas le sommet de ce plateau et la partie plane de ce plateau où doivent se trouver les principales structures de ce sanctuaire qu'on peut estimer peut-être à environ 10 hectares. 10 hectares, c'est un peu ce qu'on retrouve sur d'autres sites de cette catégorie. Notamment, je pense à celui de Fec en Normandie, qui environne à peu près 10 hectares également, pour la grande enceinte générale. Et également celui de Rimont-sur-Ancre, dont la grande enceinte fait également un peu une superficie de 10 hectares. Vous en avez fouillé combien de mètres carrés? Je sais qu'il y a encore d'autres choses, puisque aujourd'hui, le cimetière actuel déterre par exemple des chevaux gaulois issus de ce sanctuaire. Oui, oui. Alors le cimetière est installé juste un petit peu en contre-haut du sanctuaire, justement sur la partie plane, le cimetière actuel. Et quand il y a des creusements de tombes, effectivement, les fossoyeurs rencontrent généralement des artefacts un peu plus anciens que ceux qu'ils souhaitent mettre au jour. Nous, on en a fouillé plusieurs centaines de mètres linéaires pour la grande enceinte générale. Alors, ce sanctuaire, il est délimité par un très large fossé qui peut faire plusieurs mètres de large et de profondeur, environ 3 mètres de large et 2 mètres de profondeur, qui connaît une très très longue histoire. Alors, on ne sait pas exactement quand il a été mis en place. Les premières datations carbone 14 donnent le 2e siècle avant notre ère, mais ça intervient dans un moment où le fossé est déjà très largement comblé, ce qui veut dire qu'elle a été creusée très antérieurement. On sait également que ces douves ont été boisées pour maintenir les parois et faciliter la gestion de l'eau. Et qu'une fois que l'ensemble est à peu près comblé, ils ont décidé de matérialiser différemment la séparation entre le monde profane et le monde sacré en installant une palissade. Cette palissade, elle est extrêmement importante puisqu'elle est composée de troncs d'arbres qui font 80 cm de diamètre, ce qui suppose une élévation très élevée et donc une séparation physique très importante entre le monde sacré et le monde profane. On est dans le monumental ? On est clairement dans le monumental. On a toujours l'idée du temple grec ou romain. Il faut s'imaginer les temples gaulois différents, mais on est dans le monumental. On est dans le monumental. Si vous imaginez un visiteur arrivant par la vallée, la disposition de ce talus de plusieurs mètres de large et de profondeur, dont les terres ont dans un premier temps servi à former un talus, et le fait qu'il soit en pente, ça devait accentuer la monumentalité du lieu. Et en plus, certainement, un sanctuaire très important sur le sommet qui devait encore en accentuer la monumentalité. Un sanctuaire gaulois, n'est-ce pas un gigantesque espace presque vide où des centaines de milliers d'individus, de Gaulois, peuvent venir se rassembler ? Alors, ça c'est l'image que nous en avons actuellement, parce que malheureusement, on n'a de conserver que les structures en creux, mais tout ce qui est en surface a très largement disparu. Donc là où on a des espaces vides, on pouvait avoir des espaces pleins. On sait aussi qu'il y a beaucoup de sacrifices à l'intérieur de ces sanctuaires, et les animaux qui sont sacrifiés, ou voire les hommes qui sont sacrifiés, peuvent être disposés près des structures, etc. Et du coup, là où on pense que c'est vide, en fait, il faut imaginer plutôt des choses pleines. Après, tout le monde n'a pas accès au sanctuaire, puisque justement, il y a cette séparation physique entre le monde profane et le monde sacré. Mais peut-être, en certaines occasions, il est possible que des rassemblements aient eu lieu à l'intérieur de ces sanctuaires, soit lors d'opérations de vote, par exemple, ou lors de festivités qui peuvent rassembler des personnes à l'intérieur même du sanctuaire. Festivités dont nous allons reparler. Donc, si j'imagine bien, François Malrin, nous sommes sur une butte, un plateau, et puis d'un seul coup, un immense fossé qui en sert 10 hectares. Une porte aussi que vous avez ? Alors, on n'a pas trouvé la porte, parce que malheureusement, on n'a qu'une partie de ce fossé d'enceinte qu'on a suivi sur plus de 300 mètres de long. Nul doute qu'il devait exister une porte quelque part. Et vous l'avez imaginé ? Non, pas du tout. Alors, on a des portes connues à l'intérieur même de cette enceinte, parce que cette enceinte, elle contient plusieurs autres enclos. Et dans un enclos, on a à la fois une ouverture qui est matérialisée par une simple interruption des fossés, et à l'arrière de cette ouverture, des poteaux qui suggèrent la présence d'un porche. Donc là, on a effectivement une forme d'entrée, mais c'est pour un espace particulier au sein de ce sanctuaire. On peut imaginer que l'enceinte générale était aussi pourvue d'une porte monumentalisée, sous forme de porche par exemple, ou de corridor pour y accéder. Ce que vous avez surtout, François Malrin, c'est une quantité d'ossements dans le fossé qui borde donc l'ensemble du site. Alors le fossé, il a connu une histoire double, donc d'abord ouvert puis palissadé, ce qui a occasionné deux formes de dépôts différents. À l'extérieur de cette enceinte, on a des offrandes qui ont été déposées par, on imagine, la population qui environnait ce sanctuaire, qui est composée de quartiers de viande, dans lequel on retrouve du chien, du cheval, du bœuf, du mouton et du porc. Et à l'intérieur de cette enceinte, on a les rejets de consommation des habitants du site, qu'on peut imaginer être des officiants, des cultes ou des personnels qui travaillaient dans le sanctuaire. Des druides, peut-être, des bardes. Peut-être également. Alors ces rogers sont de différentes natures. On a toute la trilogie classique du porc, du mouton et du bœuf pour cette période gauloise, qui est l'alimentation la plus classique qu'on retrouve. On a aussi de manière anecdotique des os de chiens, de castors, de renards, d'oies, de canards qui ont été consommés. Et également du cheval, ce qui est assez étrange par rapport aux autres sanctuaires, parce que normalement le cheval n'est pas consommé. On a également, et là c'est l'étude de Patrice Méniel, qui est archéologue, qui l'a révélé, la présence en surnombre d'épaules droites de moutons, qui est aussi une caractéristique d'autres sanctuaires, particulièrement à Gournay-sur-Aronde, qui est distant d'une vingtaine de kilomètres. À Ouessant aussi, en Bretagne. À Ouessant, en Bretagne également, mais aussi de l'autre côté de la Manche, sur certains sites anglais. Dans un fossé figuraient par exemple 48 crânes de bovins. Tous ces bovins ont-ils été sacrifiés ou ont-ils été consommés ? Alors, on n'a pas de traces réelles de consommation sur ces bovins. On a essentiellement les bucranes de ces bovins. On sait qu'ils ont été exposés très très longtemps. L'os est particulièrement altéré. Et donc, ils ont été. On ne sait pas non plus s'il s'agit d'une hécatombe en un seul temps ou s'il s'agit de sacrifices répétés dans le temps de quelques animaux, par exemple. Et une fois qu'ils ont rempli leur rôle d'exposition, ils ont décidé à un moment de les destituer et de les jeter ou déposer dans un fossé. Donc les fosses et les fossés seraient donc des sortes de poubelles de pratiques et de sacrifices qui se seraient déroulées au cœur du sanctuaire ? Alors c'est une image en négatif de ces sacrifices qui se sont déroulés effectivement à l'intérieur du sanctuaire. Pour revenir sur ces crânes de bovins, ils sont recouverts de squelettes de chevaux, dont l'étude archéozoologique a montré qu'ils s'étaient décomposés ailleurs avant d'être mis également dans ce fossé. Donc on a une espèce de rangement, de destitution des offrandes à un moment donné. Alors ce qui est très intéressant, c'est que tous ces animaux, et tout le reste bien sûr, sont en général exposés longtemps au vent avant de rejoindre la périphérie et donc d'être relégués. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est très clair pour les crânes des bovins. Ça l'est également un peu pour les équidés, même si on ne sait pas exactement le temps d'exposition de ces équidés. Il y a une partie des connexions dites dures qui étaient encore des os qui étaient encore en place. Par contre, il manque cette partie anatomique de connexion dite labile qu'on ne retrouve pas. Donc, il y a déplacement de ces squelettes d'un emplacement à un autre. Donc, probablement une exposition. Donc, tous les petits os, ceux qui partent tout de suite dès la composition. Dans un des fossés, nous avons affaire à une sorte de véritable mise en scène. Des sortes de vases. Ah oui, alors juste en bordure du fossé de cette enceinte principale, on a les fossés d'un autre enclos dans lequel ont été déposés des vases, des céramiques qui sont plutôt d'ordre culinaire, des pots à cuire en quelque sorte, qui ont tous la même typologie et la même forme, alors que et qui ne reflètent pas du tout une batterie de cuisine ordinaire gauloise, mais bien des vases qui ont été sélectionnés et qui ont servi pour la préparation d'aliments. Ils sont eux-mêmes le réceptacle de pièces de faune qui ont été déposées dessus ou à côté. Et donc, on a une véritable organisation de ces dépôts dans ce fossé. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. François Malrin, dans d'autres fossés, vous avez trouvé aussi des armes ? Alors c'est l'intérêt principal en plus de tout le reste, je dirais, mais ce fossé a livré dans un autre enclos qui fait environ 60 mètres sur 50 mètres de côté, ce qui est à peu près la taille des autres sanctuaires qu'on connaît, comme celui de Coran par exemple. Dans les fossés de cet enclos, on a découvert énormément de pièces métalliques, dont certaines sont apparues très énigmatiques lors de la fouille. Il s'agissait de plaques extrêmement fines, très fragmentées, qui ont nécessité des précautions de prélèvement extrêmement détaillées pour pouvoir les prélever dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire qu'elles ont été consolidées sur place avant d'être prélevées, ce qui nous a permis par la suite de les radiographier et de pouvoir les restaurer. Ces pièces se sont révélées être des pièces d'armure, qui est totalement unique pour l'instant en France. Ce sont de fines tôles de métal, qui font moins de 2 mm d'épaisseur, qui sont ourlés pour ne pas blesser la peau, Et on a passé l'intégralité de ces pièces d'armure à la binoculaire pour essayer de voir s'il y avait des traces d'un doublage de cette armure en compagnie de Fabienne Médard. Et on a découvert sur l'une des pièces un morceau de cuir qui est maintenant parti en analyse pour essayer d'en déterminer l'espèce. Alors je reviens sur cette armure parce qu'elle est quand même capitale. C'est quelque chose de tout à fait inconnu en France. On connaissait bien sûr les côtes de mailles. La côte de mailles, ce serait même, on dit souvent que c'est une invention gauloise. Mais cette armure-là, elle couvrait l'ensemble du personnage. Les armures, elles appartiennent dans notre imaginaire au Moyen-Âge. Alors, elle couvre l'ensemble du personnage. Et ce qui est aussi assez extraordinaire sur ce site, c'est qu'elle est datée du milieu du 1er siècle avant notre ère. Donc, globalement, lors de la guerre des Gaules. On a des pièces tubulaires qui recouvrent le bras et l'avant-bras. On a aussi des pièces qui peuvent couvrir les chevilles et peut-être également les cuisses, et de fines plaques articulées qui peuvent couvrir le tronc. Alors jusqu'à présent, on pensait qu'il n'y avait qu'une armure, mais un examen récent avec Guillaume Reich, qui est un collègue avec qui nous travaillons sur les traces de coups sur cette armure, a montré qu'en fait, il pouvait y avoir plusieurs exemplaires. Et l'étude est évidemment toujours en cours parce qu'elle est longue et fastidieuse. Donc c'est une très belle découverte qui va désormais bientôt atterrir dans un grand musée français. Alors oui, la dévolution de ce matériel sera faite au musée de Saint-Germain-en-Laye. Donc, quelques temps, ça prendra le temps que ça doit prendre. Il faut d'abord que nous étudions l'intégralité de cette armure avant sa dévolution au musée même. Des armes, vous en avez quantité ? Des boucliers, etc. Alors, on a effectivement beaucoup d'orles de boucliers. L'orle, c'est la partie en métal qui cerne les planches de boucliers. On a également des types d'imbeaux qui sont inédits jusqu'à présent. L'imbeau, c'est la pièce centrale des boucliers. C'est la pièce centrale, exactement, qui sont inédits jusqu'à présent. C'est-à-dire, ce sont des imbeaux fusiformes qui sont formés de deux coques. Et dans un cas, on a un assemblage complet où on a ces deux imbeaux fusiformes qui sont recouverts d'un imbeau dit classique à ailette, qui est un type tout à fait nouveau. Donc, trois pièces qui constituent ensemble un seul imbeau. Là, pareil que pour l'armure, on a examiné dans les rainures des orles la présence éventuelle de matière organique. Et on a découvert du bois qui nous donnera l'essence des planches de ces boucliers. Vous avez aussi des casques, des épées ? Alors, on a eu la chance d'avoir trois casques dits de casque porc, où il y en a, je crois, environ une quinzaine de connus en Europe pour l'instant. Ce sont des casques qui présentent sur la partie avant en forme de sourcils, en fait, mais qui constituent en quelque sorte un renfort de ces casques. On a en revanche qu'une seule parénactyle, qui est le protège-joue. Protège-oreille. Protège-joue. Hein. Et un seul des casques qui présente encore la présence du protège-nuque. Tout ce mobilier est bien gaulois ? Alors non, c'est toute la difficulté de ce site. On est dans un site où on a également la présence de clous de chaussures romaines de Cagliae, et il est très probable que ces mobiliers appartiennent plutôt aux armées romaines, mais peut-être des auxiliaires de l'armée romaine qui peuvent avoir différentes origines ethniques. Oui, donc des Gaulois déjà vendus à Rome. Toutes les armes auraient-elles été brisées, semble-t-il, même martelées, arrachées ? Alors ça, c'est quelque chose qui avait déjà été remarqué à Gournay-sur-Aronde par les études d'André Rapin dès les années 90, où les épées étaient pliées d'une certaine manière qui évoquait un code de pliage volontaire. À Saint-Just-en-Chaussée, il y a une grande difficulté, c'est d'une part cette armure qui est extrêmement fragile, et donc il peut avoir à la fois subi des épreuves de taphonomiques, d'enfoncement lors de sa destitution et de sa mise en place dans le fossé, ensuite recouvert de terre, des coups éventuels qu'elle aurait pu recevoir au combat, mais ceci semble pour l'instant exclu selon l'analyse qu'en a fait Guillaume Reich. En revanche, on sait que les pièces en volume ont été, pour certaines, comme le bras et l'avant-bras, enchâssées l'une dans l'autre, puis légèrement écrasées. Il en est de même pour d'autres pièces en volume qui ont été légèrement écrasées et d'autres pièces qui ont été repliées sur elles-mêmes avant d'être écrasées. Pour les imbeaux, on a des traces qu'on avait déjà repérées à Gournay-sur-Aronde, où ils ont des traces de coups visant à aplatir quelque peu la coque. Serions-nous devant des trophées ? Alors, vu la disposition de l'ensemble de ces pièces au niveau de la porte de ce sanctuaire, qui est orientée à l'est, au soleil levant, Il est très probable que l'ensemble formait un trophée disposé effectivement à l'entrée de ce sanctuaire. Ça doit être très impressionnant. Ce qui est incroyable, c'est que plusieurs tombes humaines sont présentes dans le sanctuaire et les individus inhumés sont dans des positions absolument peu courantes. Alors oui, par rapport aux normes des sépultures de l'époque latinienne, qui est plutôt l'incinération, là nous avons des inhumés assis. Alors ils ont été disposés dans des petites fosses circulaires qui ont manifestement été créées pour les accueillir, avec des tailles un petit peu différentes. Ils ont la jambe droite repliée et le pied qui est placé sous la fesse, et tandis que la jambe gauche est fléchie contre la paroi de la fosse. Alors on en a 8. Globalement, il y en a une cinquantaine de connus actuellement en France et en Suisse. Il y en a notamment au Mormont, par exemple, sur le site du Mormont. Mais il y en a également sur le site qu'on a évoqué tout à l'heure d'Assiromance dans les Ardennes, où il y en a environ une vingtaine. Mais on en connaît aussi sur des établissements ruraux de très haute importance. Je pense à des domaines aristocratiques, comme celui de Batilly en Gâtinais, par exemple, qui en a révélé également. Donc c'est une pratique peu commune, mais qu'on commence à repérer un petit peu partout en Gaule. J'ai souvenir que Bernard Lambeau, qui était le fouilleur donc d'Assiromance, disait que ces individus avaient été enfermés dans des boîtes quasiment séchées au vent, en faire des sortes de momies. Oui, lui, tout à fait. Lui, il évoquait des individus placés dans des coffres en bois, puis descendus dans des puits, momifiés avant d'être placés dans ces fosses. C'est votre cas ? Alors, on ne sait pas du tout. Pour le cas de Saint-Just, en fait, il nous manque tous les crânes. Alors, on sait qu'au départ, les crânes étaient présents puisqu'on a des dents au fond des fosses. On ne sait pas si c'est une récupération postérieure ou due à la taphonomie, à l'érosion naturelle ou aux travaux agricoles qu'a subi le site. De même, cette amputation des crânes n'a pas permis de déterminer le sexe de tous les individus. On sait qu'on a 4 individus adultes qui sont des hommes, et pour le reste on ne sait pas, mais de manière générale, ce sont plutôt des individus adultes. Quantité de restes humains ont été retrouvés. Dans un article, vous écrivez « Des traces sur les crânes des fosses évoquent l'ouverture de la boîte crânienne et le prélèvement de la face ». Alors, De quoi s'agit-il ? C'est surtout les travaux de ma collègue Estelle Pinard, qui est archéo-anthropologue, qui a eu la gentillesse de venir fouiller l'ensemble des inhumations assises et s'occuper de l'ensemble des os de ce sanctuaire. Effectivement, dans le fossé d'enceinte, là où on retrouve les pièces de l'armure et des armes, on a également des fragments osseux, le plus souvent du crâne ou des os longs, et certaines pièces de ces crânes portent les traces de décarnisation et de prélèvement du masque du crâne. C'est une pratique qu'on reconnaît aussi à Montmartin, par exemple, qui est juste à côté de Gournay-sur-Aronde, donc à environ 20 km de Saint-Just-en-Chaussée. Mais c'est une pratique qu'on connaît également sur d'autres sites connus, comme Danbury, par exemple, en Angleterre, etc. On peut supposer d'ailleurs que le prélèvement de ces masques ont été après recouverts de façon à former vraiment une sorte d'effigie, peut-être aussi affichée lors des trophées. En fait, quantité d'os dans cette zone porte des traces de charognards, donc ils ont été visiblement explosés au plein vent, mais aussi de chauffe, de découpe. On pourrait éventuellement être sur l'anthropophagie ? Alors, c'est une question extrêmement difficile. On a effectivement à Saint-Just-en-Chaussée, on a également une petite fosse circulaire pourvue d'un appendice dans laquelle on a trouvé 830 pièces osseuses extrêmement fragmentées. Et 50% de ces pièces appartiennent au squelette crânien. Et au moins 10% des pièces présentent des traces de chauffe. Mais c'est le cas également d'autres pièces retrouvées dans les fossés d'enceinte du sanctuaire. La fragmentation peut évoquer effectivement le prélèvement de la moelle, par exemple, ou de la consommation. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas parler réellement d'anthropophagie, mais plutôt du prélèvement d'une substance propre à s'approprier des qualités guerrières du guerrier, ou son courage, ou des choses comme ça, plutôt que d'anthropophagie visant l'alimentation. En tout cas, l'anthropologie, on va dire rituelle, puisqu'on est au cœur d'un sanctuaire, elle est visiblement attestée dans le Mercantour, aussi en Suisse, hein. Oui, tout à fait. On commence à avoir des petites preuves à droite, à gauche. Mais on a de manière générale, sur beaucoup de sites gaulois, des eaux isolées dont les significations ne sont pas totalement encore éclairées. Ces individus qui ont été quand même massacrés, vous savez qui cela pourrait être ? Allez, disons-le, des Gaulois, des Romains ? Alors, ce qu'on peut supposer, c'est que l'ensemble du trophée a été prélevé sur un champ de bataille, dans un épisode probablement de la guerre des Gaules, mais qu'on ne peut pas réellement identifier. prélevés donc sur un champ de bataille, puis amenés sur le sanctuaire gaulois, exposés en trophée, puis après destitués. Globalement, le laps de temps entre cette bataille et la désacralisation du trophée se passe sur un temps relativement court, d'une cinquantaine d'années, puisque une fois les armes déposées dans le fossé, celui-ci a été entièrement comblé, et un autre fossé a été creusé. Et là, il a une vocation totalement différente, puisque ça devient un enclos d'habitat domestique, avec des rejets tout à fait classiques. Donc on a une exposition d'environ une cinquantaine d'années. Un des éléments capitaux de ce sanctuaire sont d'étranges banquettes creusées. On a sur le site quatre grandes fosses qui font 4 mètres de long et 2 mètres de large, qui ont été formées par le simple creusement de banquettes à même le sol, donc en profondeur, et qui ont ménagé une table centrale. Cette table centrale a reçu un foyer qui a duré un temps unique, un temps court. Et de chaque côté, ces banquettes ont été, les analyses pédologiques nous l'ont révélé, boisées. On voit ça par des effets de compression. Mais dans les premiers sédiments, le pédologue Kai Fechner a aussi repéré des effets de splatch. Les effets de splatch, par exemple, quand vous avez un orage et que vous avez de la pluie qui tombe sur de la poussière, ça fait une espèce de goutte qui s'enrobe de poussière. Et vous arrivez à retrouver ça? Alors, dans les lames minces, ceci est visible. Et donc, cet déversement de liquide nous a intrigués. Et ces prélèvements ont été confiés à un spécialiste des matières organiques. Et donc, ces prélèvements ont été analysés et ont révélé la présence de vin, de déversement abondant de vin dans ces fosses, ainsi que la présence de pois et de résineux, mais qui peut être, par exemple, les amphores peuvent avoir reçu ce traitement de façon à les rendre imperméables, et également la présence de corps gras d'animaux non ruminants. Et dans ce cas, on peut penser au porc, puisque là aussi, l'analyse archéologique montre qu'on a la présence en abondance de jambons de porc droits. Donc nous serions de fait sur un banquet, la fameuse image de la fin de tous les Astérix et Obélix, hein, bien sûr, du banquet grec, romain et du banquet antique en général. Peut-être la chose la plus intéressante, c'est que ces deux banquettes creusées formaient une sorte de table. Les gens pouvaient s'installer donc avec les pieds dedans, face à la table. Une chose que l'on retrouve donc aussi dans certains banquets de mariage en Bretagne jusque dans les années 1930. Alors tout à fait. Alors ce qu'il faut imaginer à Saint-Just-en-Chaussée, c'est que ces tables et ces bancs, en quelque sorte, sont dans le sol. Compte tenu de la taphonomie actuelle, on peut imaginer qu'en fait les convives n'étaient pas visibles. Il y a 4 fosses et au total on met environ 12 convives par fosse, ce qui fait une cinquantaine de personnes. Mais je rappelle qu'on appelle l'intégralité du sanctuaire en question, donc il en existait peut-être encore davantage. Effectivement, dans les cartes postales bretonnes encore récentes ou du 19e, on retrouve ces fossés creusés avec une planche disposée au milieu où se tenaient les noces bretonnes. Mais on retrouve également ce genre de représentation dans les tableaux de Bruegel l'Ancien, où on voit au fond de certaines toiles ce genre de fosses creusées au fond des forêts. François Malerin, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Marie Lepeintre, bien sûr, avec Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.